Alors j'aimerais que tu me dises, si tout ça vient de toi et si c'est toi qui lui as demandé de me dire ce qu'il m'a dit. Alors j'aimerais que tu me dises, si tout ça vient de toi et si c'est toi qui lui as demandé de me dire ce qu'il m'a dit. J'aimerais dire ce